Exercice 4. Dialogue 1. Je dois aller chez le traiteur, mais je ne sais pas où il est. C'est facile. Prends la rue Marinier, puis va à droite. Tu verras, il y a un fleuriste à côté. La rue Marinier, à droite. Je vais trouver facilement. Merci. Dialogue 2. Alors, tu aimes ce musée ? Ah oui, les sculptures sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les peintures. Ouais, bof. Certaines peintures sont bizarres. Dialogue 3. On va au cinéma demain soir ? Oh non, j'ai envie de voir un spectacle. On peut aller au théâtre si tu veux. Oui, c'est une idée géniale. Dialogue 4. Salut. Tiens, voilà ton livre. Alors, tu as aimé ce livre ? Oui, il m'a fait rire et pleurer. Merci de me l'avoir prêté. De rien. Ça me fait plaisir, tu sais.